bonjour. Bonjour tout le monde. Au fait, je viens témoigner pour le TSE. Est-ce qu'il y a beaucoup de TSE avec nous? Ouais, voilà. Moi, j'appellerais plutôt les travailleurs si enthousiastes qui se réunissent tous les jeudis à la rue Plétings à 14h. Donc, avec le président José González Lázaros et le représentant du MOC, Piedro. Donc, si vous voulez nous rejoindre le jeudi à 14h à la rue Plétings, vous êtes les bienvenus. Allez tous ensemble. Alors, demandons au gouvernement de bloquer les prix et d'arrêter cette course effrénée de l'automatisation. On devient fou avec les machines. Il faut absolument que la société redevienne humaine. Alors, je voulais terminer en vous disant que je continuerai à travailler comme militante et je continuerai à me battre contre les injustices. Ouais! Allô, Goeiemorgen. Bonjour tout le monde. C'est un plaisir de vous revoir. C'est un plaisir om u terug te zien. We hebben de zon gereserveerd. Ja, le soleil qui brille. Il n'y a plus de problème. Er zijn dus geen problemen meer. Collega's, waarom we hier zijn vandaag, dat gaat onmiddellijk duidelijk worden. Le pourquoi de notre concentration ici. En effet, il ne faut pas beaucoup d'explications. Et on va quand même le rendre très compréhensible. We gaan het onmiddellijk heel duidelijk maken met getuigenissen van mensen die op de werkvloer in hun levenssituatie geconfronteerd worden met het feit dat hun inkomen onvoldoende is om hun facturen te betalen. Donc on va d'abord écouter six personnes qui vont témoigner de leur situation en travaillant dans leur période de vie actuelle et qui ont des problèmes pour payer toutes les factures avec leurs revenus. Et donc, le premier témoin qui commencera, le premier getuige qui begint, est Philippe Hamilton. C'est Philippe Hamilton. Ce n'est pas le frère de Louis. Vous allez le voir tout de suite. C'est pas le frère de Louis Hamilton. Non. Philippe travaille chez Tupperware à Aalst. Philippe travaille chez Tupperware à Aalst. Et je lui donne la parole tout de suite. Et Philippe, tu crées ton lit. Bonjour, hallo. Je m'appelle Philippe, ik ben Philippe Hamilton, ik ben 28 jaar. Ik werk als arbeider bij Tupperware in de matrijsafdeling. En ja, 2 jaar geleden heb ik mijn droom kunnen verwezenlijken door een huisje te kopen. Tijdens de pandemie, tijdens de crisis, toch een kleine stap proberen maken. Met de gedachtegang dat het eigenlijk beter is om af te betalen voor je eigen als voor iemand zijn huur te betalen. Het is alleenstaande dat je eigenlijk goede rekening kunnen maken. Op de belastingen wordt het eigenlijk niet gemakkelijk gemaakt. De kostprijs van de woning, de afbetaling, de vaste kosten, energie, water en telecommunicatie, dat is toch al een hele boterham tegenover 2 jaar geleden. Het bedrijf gaat ondertussen al 3 jaar eigenlijk niet zo goed. We zitten met structurele tijdelijke werkloosheid, wat eigenlijk zorgt dat geen enkele maand nog eigenlijk hetzelfde gebleven is qua loon. En met de energieprijzen dat stijgen, is dat zeker niet gemakkelijk. De fors gestegen prijzen ook, ik verwarm met gas. Dat is een rekening die 2,5 keer duurd is. Ik denk dat ik eigenlijk niet alleen spreek als we weten dat het eigenlijk niet makkelijk gaat. Bovendien zou ik moeten renoveren, wat ik 3 jaar geleden heel goed zag zitten bij het aankoop van mijn huis. Maar ondertussen ging dat toch een beetje zwaarder door te wegen en deze plannen eigenlijk in de schuif. Sparen zit er eigenlijk ook niet meer in de laatste 2 jaar. Ik heb zo een beetje meer aan mijn spaargeld moeten zitten als we kunnen sparen. Maar dus nadenken over uitgaven, energiezuinig leven, dat is dagelijkse kost. Ook vrienden van mij, leeftijdsgenoten, collega's, zie ik dat ook, dat die geen eigenlijk aankoop kunnen doen in de laatste jaren door de stijgende prijzen. Dus ze moeten creatief zijn, ze komen samen om te eten, ze zijn samen wonend, samen huren, voor eigenlijk de kosten te kunnen delen. Ik werk ook als LEG, afgewaardigd bij Tupperware, wat dat ook maakt dat we eigenlijk heel veel verhalen horen van de mensen en dat dat meer schrijnende toestanden zijn dan iets anders. We moeten allemaal aanpassen aan de gestegen prijzen en er moet iets extra gebeuren of we komen allemaal in de problemen. Ondanks is er nog een collega van mij afgekomen met een verhaal voor te helpen. Hij is naar het OCMW gegaan en ze hebben hem gewoon dodelijk gezegd dat hij eerst zijn huis moet verkopen vooraleer dat ze hem eigenlijk verder kunnen helpen. De economische toestand die weegt zwaar door bij mij en mijn collega's. Ons weekendploeg kan maar één keer om de zes weken komen werken. In de verschillende afdelingen zijn er één dag per week voorzien voor economische werkloosheid. Dat is zwaar. Gelukkig is er nog de index en de steun van de tijdelijke werkloosheid, maar dat trekt de lading niet. De recent goedgekeurde premie van 400 euro, dat is allemaal goed en wel, maar ik denk dat ik niet alleen voor mijn eigen spreek als ik zeg dat die absoluut niet genoeg is om de energiekosten te dekken. Dankjewel voor het luisteren allemaal en nog een fijne dag. Merci beaucoup pour le témoignage. Comme l'a dit Marc, il y aura donc 6 témoins. Le deuxième témoin, Salvatore Alemo, qui nous vient du secteur de la chimie de l'entreprise Unilin. Salvatore, c'est à toi. Bonjour camarades. C'est une belle journée pour se mobiliser aujourd'hui. Alors, je vais essayer d'être clair. C'est que je travaille dans un secteur, comme Thierry l'a dit, le secteur de la chimie, qui se porte très bien. Ben, du moins, eux disent, prétendent le contraire, mais moi je sais que dans mon secteur, ça se passe très bien. Aujourd'hui, je rencontre d'énormes difficultés, du genre, ben, suite à cette augmentation de prix de l'énergie, les travailleurs viennent me trouver, ils disent que c'est plus possible. Ils sont obligés de faire des heures supplémentaires. C'est pas possible, on peut plus continuer comme ça. J'ai été trouver la direction pour leur demander de mettre la main à la poche pour augmenter les frais de déplacement. Ils m'ont fait rire. Ils ont augmenté les frais de déplacement. De 5 centimes, c'est une blague. 5 centimes pour les frais de déplacement, c'est impossible. Alors, voilà où on est aujourd'hui. Il faut absolument que ce gouvernement comprenne que nous sommes à la porte de l'hiver. Le chauffage, vous l'avez tous aujourd'hui, vous l'avez tous allumé. Et si on continue comme ça, on ne pourra plus. Est-ce que nous avons le droit de vivre? Est-ce que nous avons le droit de vivre en Belgique? Faut se poser la question au gouvernement là. Voilà. C'est très compliqué, mais je pense que la meilleure façon de réussir, la meilleure façon de leur faire comprendre, c'est d'être nombreux comme on est tous ensemble aujourd'hui. Et je pense que ensemble, on sera plus fort. Merci camarades. Goedemorgen, welkom iedereen. Bienvenue à tous et à toutes. De derde getuige namens de Liberale Vakbond is Nancy Lecomte, medewerker van de non-profit sector Immens. De sector die 2 jaar geleden in volle schijnwerpers stond met corona, maar die nu straal genegeerd wordt. Goedemorgen allemaal. Tijdens corona stonden wij op de eerste lijn om iedereen te helpen. Nu staan wij zelf in de problemen en staan wij ons rug tegen de muur. De energiekosten zijn zodanig hoog dat het een serieus hap uit ons budget past. De vaste kosten blijven, maar wij worden niet geholpen. Als je thuis met zieke mensen zit, de energie blijft. Dus sommigen kunnen naar het bureau, maar niet iedereen. Ik hoor van medewerkers dat de benzine zodanig duur is. Als zij aan huis moeten gaan bij mensen en boodschappen moeten doen, dan is het niet meer betaalbaar. Daardoor zeggen ze soms dat ze soms genoodzaakt zijn om op het einde van de maand een keuze te maken, thuis te blijven of boodschappen te doen voor andere mensen. Waar gaan we naartoe? Is dat wat wij allemaal willen? Ik denk het niet. Wij staan er allemaal, dus wij horen heel veel klachten. Wij vragen nu ook hulp van de overheid. Dank u. Nous allons maintenant écouter le témoignage de Véronique. Véronique a travaillé pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, elle a perdu son travail. Et donc, évidemment, quand on est sans travail aujourd'hui, la vie est encore un peu plus difficile. Donc, Véronique, c'est à toi. Rebonjour. Donc, je vais de nouveau témoigner. Donc, il faut absolument venir aux réunions syndicale présidée par José González qui est devant, par Lazaros, je ne sais pas où il est, Lazaros, ouais, Lazaros, et Pietro Dumoc, ils nous coachent, ils sont formidables, et nous travaillons sur des valeurs, les valeurs vraies de la société, l'humanité, et c'est ça le plus important, l'humanité, car quand nous sommes sans travail, c'est encore plus difficile. Surtout pour s'acheter des fruits, même une pomme. Donc ça devient complètement débile. Donc il faut demander que le gouvernement ait de l'empathie et se batte pour nous. C'est hyper important. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et venez tous, les TSE, les travailleurs, si enthousiastes, moi je dis ça, aux réunions syndicales le jeudi. Le deuxième jeudi du mois, à la rue Plétine, son numéro 19, et vous mettrez tous vos désaccords sur la table, et vous viendrez vous battre devant tout le monde, ok? Ouais! Kameraden en vrienden, overtuiging komt van de delegés. En daarom zijn deze getuigenissen zo belangrijk. En als voorlaatste hebben we de roos van het Rode Syndicaat. Kom Roos, don't. De DG van Thalys, van in Brussel. En zij gaat getuigen hoe moeilijk het is om werknemer te zijn bij Thalys. Roos, het is aan jou. Beste kameraden, 20 jaar syndicaal afgevaardigde voor het ABVV bij Railrest. Railrest is het bedrijf dat de catering verzorgt op de Thalys-treinen. Een internationale trein. Na de lange periode van de crisis van de corona staan we alweer voor een crisis. Maar nu voor de hoge energieprijzen. Deze treft ieder van ons. We voelen het in onze portemonnee. Deze actie brengt ons weer samen voor een gevecht. Kameraden, een gevecht voor meer koopkracht. Voor het behoud van onze index. En de oproep aan onze regeringen om met concrete oplossingen te komen in plaats van loze beloften. Voor vele mensen is het heel moeilijk, maar voor sommigen is het nog extra moeilijk. Voor alleenstaanden. Ik ben zelf een alleenstaande moeder geweest, lang geleden. Zonder werk. Toen was het al moeilijk. School is niet gratis, zoals sommigen beweren. Kinderen hebben veel nodig, willen niet op schoolreisjes. En dan is het zeer hard voor een moeder of een vader om te moeten zeggen, dit kan u even niet. Door de wet van 96 zitten we vast en bestaat er geen loonsverhoging buiten de aanpassing van de index. Geen marge om te onderhandelen. De rijken worden rijker. De bedrijven krijgen meer winstmarge. Ondanks hun geklaag over de hoge energieprijzen. Maar ze doen het met minder werknemers voor dezelfde, zelfs hogere productie. Dus hoge werkdruk. Elke job in gelijk welke sector wordt uitgebreid. Maar het loon blijft hetzelfde. We worden uitgeperst als citroenen. Mensen die het moeilijk hebben, moeten kunnen terugvallen op steun, ook bij ziekte of werkloosheid. Dus de strijd van het ABVV voor het behoud en een voldoende financiering van de federale sociale zekerheid moeten we blijven voortzetten. Delegés maken het verschil. De maat is vol, kameraden. Dus, handen af van de index. We willen meer loon, dus herziening van de wet 96. snelle oplossing voor de hoge energieprijzen. Samen sterk! Chers amis, merci à tous d'être présents aujourd'hui. Je vous présente pour le dernier témoignage Toufik qui va nous parler des réalités en tant que délégué de chez TEMS Technilift. Je lui passe la parole. Bonjour tout le monde. Wendai Kalamal. Je suis très content d'être parmi vous et j'apporte mon témoignage pour tous ceux qui souffrent et ils ont des difficultés chaque mois à payer leurs factures, à manger, à prendre des loisirs, et c'est la moindre des choses. On n'a rien demandé de plus, rien de vivre dignement. Devant tout le monde, j'apporte mon témoignage qu'il y en a marre, ça suffit. Qu'est-ce que ça a découlé de cette loi 1996 qui bloque toute augmentation significative? Est-ce que ce qui t'arrive ces derniers temps, c'est pas significatif? Est-ce que la vie quand même maintenant n'est pas difficile pour tout le monde, pour tous les travailleurs qui se lèvent tous les jours? Jamais de repos, charge de travail, souffrance, tout est devenu cher, tout est devenu un luxe. Une voiture est chère, est un luxe, un carburant c'est un luxe, un voyage c'est un luxe. Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? C'est honteux, c'est difficile, on se bat tous les jours pour rien du tout. Voulez-vous accepter un 0,4% pour une augmentation en parallèle des prix de l'énergie, de l'alimentation? C'est honteux qu'on doit faire nos courses dans des pays limitrophes. C'est honteux de se battre tous les jours pour mettre quelque chose dans les assiettes de nos enfants. C'est grave. Et il faut être mobilisé, toutes couleurs confondues. Il n'y a pas d'égoïsme, il n'y a pas de quoi que ce soit. On est tous dans la même cocotte et on couille tous dans la même manière. Soyons libres, soyons portons la parole plus loin. J'ai vu un témoignage d'une députée européenne qui a été déposée des factures à la commissaire européenne pour lui présenter les chiffres et les montants des factures et tout ce qu'elle a trouvé à répondre. Donnez ça à Poutine. J'en ai rien à cirer de Poutine, moi. Ben, c'est pas Poutine qui me paye mon salaire. On travaille tous durement. Et c'est pas à moi d'aller voir Poutine pour payer mes factures. Et tout ce qu'il trouve à nous dire aussi, quelle bonne solution. Ben, vos factures, il doit être modérer vos consommations et essayer de faire de moins en moins. J'allume pas ma lumière, je ne me chauffe pas, je ne mange pas. C'est quoi ce cinéma? C'est honteux, c'est honteux. Et pour le dernier mot que je vais dire, soyons tous ensemble et on lâchera rien, et on lâchera rien! Beste vrienden en vriendinnen, chers amis, chers amis, mensen trekken het niet meer. Het water staat niet aan de lippen, het water staat in de neus. Mensen worden gewurgd door de hoge prijzen. Je huis verwarmen, je licht aansteken, dat wordt onbetaalbaar. Wie met de eigen wagen moet rondrijden voor het werk, steekt er zelf geld aan toe. En dat om jouw werk te kunnen doen. Winkelen doe je niet meer met een winkelkar, maar met een winkelmandje. Dat krijg je nog net vol. Wie huurt, kijkt tegen een huizenhoog probleem aan. Hoe betaal ik de gestegen huurprijs en de gestegen energierekening? les gens sont étranglés par la hausse des prix. Chauffer sa maison, s'éclairer, cela devient impayable. Si on doit utiliser sa propre bagnole pour son travail, on doit payer de sa poche. Pour faire son propre travail, on fait des courses avec le petit panier au lieu d'avec le caddie. Les locataires ont un double problème, payer les loyers qui ont dû augmenter et en même temps la lourde facture énergétique. Overal klinkt hetzelfde. Mensen zitten in diepe financiële problemen. Kunnen we de facturen nog betalen? Kunnen we de huur of de lening nog afbetalen? Besparen we op eten of op verwarming? Een zoon of dochter op kot, hoe gaan we dat betalen? Brooddozen worden leger en leger. Politici in heel Europa riepen op tot steun voor de Oekraïnse bevolking. Volledig terecht. Maar ze moeten ook onze bevolking steunen in de harde gevolgen van de oorlog. Ils doivent aussi soutenir notre population face aux conséquences graves de cette guerre. En de federale regering probeert de grootste nood wat te helpen. Wat te stelpen. Met een sociaal tarief, lagere btw en binnenkort een energiepremie van bijna 400 euro. Maar dat volstaat niet. Maak het sociale tarief automatisch en geef het aan de inkomens net boven die grens. 400 euro is 1/12 van het sociale tarief. Het verschil is 5000 euro voor mensen tussen het hebben of niet. Dus 400 euro geef je 1 maand sociaal tarief. November is daarmee geholpen. En december, en januari, en februari, en maart. En tot hoe lang duurt de winter? Alle regeringen moeten snel en meer actie ondernemen. En we hebben meer dan genoeg regeringen, dus er kan heel veel gebeuren. Nous avons bien assez de gouvernement. Ils peuvent donc faire beaucoup de choses. Ils doivent agir. Ils doivent agir vite, très vite. Europa, België, Vlaanderen, Bruxelles, Wallonie, werk samen en zorg voor uw mensen. Travaillez ensemble. Occupez vous de vos citoyens. 5 dingen. 1. Neem de compleet losgeslagen energiemarkt opnieuw strak in de hand. Laat energie niet langer in de grijpkrage handen van dictaturen en van multinationals. Europa legt een plafond op aan de gasprijzen. Haal de gasprijs uit de elektriciteitsprijs. Minister Van Petegem, begin met het serieus belasten van de overwinsten, superwinsten van energieconcerns en alle andere bedrijven die rijk worden door deze crisis. Gebruik de opbrengst voor de mensen. 2. Er ligt 900 miljoen te wachten om de lage pensioenen en uitkeringen op te trekken. En werkgevers spelen daar nu spelletjes mee. De rijken gijzelen de armen. Ministers Dermagne, Lalieu en Van den Broeke, doe daar niet aan mee. Zorg dat het geld als de bliksem bij de mensen geraakt. 900 miljoen zijn disponibel voor augmenter les pensions en les allocations. Les employeurs les prennent en otage. Minister Dermagne, Lalieu et Van den Broeke, agissez. Faites que cet argent parvienne aux gens dans les plus brefs délais. 3. De lonen moeten omhoog in de bedrijven waar het goed gaat. Maar dat kan niet door de schommel loonwet van 2017. En daarom moet die foute wet weg. Ook werknemers hebben recht op een correct deel van de winsten van de koek die ze samen bakken. En na deze crisis komen betere tijden. Die slechte loonwet moet daartegen weg. Les travailleurs ont droit à une part correcte des bénéfices. Du gâteau qu'ils font eux-mêmes dans les entreprises. Donc cette mauvaise loi de blocage salarial doit disparaître. 4. Sommige regeringspartijen willen nu zelfs alle voorrang geven aan een begroting in evenwicht. Zelfs als ze daarmee mensen in de kou en in een donkere zetten. Dat is een domme keuze. Geld gaat niet voor op mensen. Kies nu voor uw mensen, politici. Zorg nu voor uw kiezers. Certains partis politiques veulent maintenant donner la priorité à un soi-disant équilibre budgétaire et plongent donc les gens dans le froid et dans la faim. C'est un choix stupide. L'argent ne prime pas sur l'humain. Faites le choix de l'humain. Prenez soin de vos électeurs. Un bref, cinq, dernier point. Nog een duidelijke waarschuwing voor de werkgevers. Stop met uw gepook en uw gestook tegen de index. Het zijn uw bedrijven die de inflatie aanjagen. Het zijn niet de mensen die de inflatie aanjagen. Ce sont vos entreprises qui stimulent l'inflation. Mais pas les gens. Et personne ne s'enrichit grâce à l'index. Mais sans l'index, tout le monde s'appauvrit. Van een index wordt niemand rijker, maar zonder index wordt iedereen armer. Ook onze middenstand, même nos classes moyennes. Vrienden, dit is een duidelijk signaal aan de regering en aan de werkgevers. De gewone mensen houden de economie draaiend. Als harde werkers, als steunpilaren van de samenleving, als bakkers van de koek. Als consumenten, als belastingsbetalers, als bijdragers aan de sociale zekerheid. C'est un signal clair au gouvernement et aux employeurs. Ce sont nos gens qui font tourner l'économie, qui bossent, qui soutiennent la société, qui font le gâteau, qui consomment, qui payent des impôts, qui cotisent pour la sécurité sociale. Die mensen laat je niet in de steek. Anders valt alles om. D'économie, de samenleving en de democratie. Sinon, tout s'écroulera. L'économie, la société et la démocratie. Dus politici, toon respect voor de gewone mensen. Leg de zwaarste lasten op de sterkste schouders. Kies voor eerlijke en rechtvaardige belastingen en voor doelgerichte steun. Omdat gewone mensen het belangrijkste zijn. Faites preuve de respect pour les gens. Cette femme et ces hommes, ce sont eux les plus importants. Thank you well. Merci beaucoup. Merci Marc. Chers camarades, en fait aujourd'hui, il n'y a pas 6 témoignages. Il y a 10 000 témoignages. Vous êtes 10 000 aujourd'hui, ça veut dire que vous êtes 10 000 à témoigner les difficultés que nous avons au jour le jour depuis maintenant plusieurs mois. Merci d'avoir répondu à notre appel du 20 juin. Bedankt voor de antwoord op onze oproep van de 20 juni. Je sais que 3 mois c'est long. Et ça fait déjà 3 mois que nous avons réussi cette manifestation. Mais aujourd'hui, nous avons la preuve, nous avons 10 000 fois la preuve que nous faisons bien de maintenir le plan d'action et même de le renforcer. La situation est pire aujourd'hui encore qu'au mois de juin. La situation est pire parce que les prix de l'énergie ont été multipliés par 3. En moyenne, 700 euros par mois pour payer l'énergie. C'est impossible pour la majorité des citoyens de ce pays. Onmogelijk voor de meerderheid van de burgers van dit land. Et aujourd'hui, ce qu'on veut dire, c'est pas qu'on ne veut pas payer, c'est qu'on ne peut pas payer les factures comme elles nous sont envoyées. Voilà le message qu'on doit envoyer aujourd'hui, camarades. Et qu'on arrête de demander aux citoyens, aux travailleurs, de rogner encore sur les dépenses. Qu'on arrête de nous dire qu'on doit faire encore des économies sur l'alimentation, sur les vêtements, sur la rentrée des classes. On est à l'os. Tout le monde a fait ce qu'il pouvait en termes d'économie dans son budget. Alors oui, des mesures ont été prises par le gouvernement. Enkele maatregelen zijn genomen. BTW van 6%. Sociaal tarief. Maatregelen van afgelopen weekend. Maar het is niet genoeg. Het is de helft van wat nodig is. C'est à peine la moitié de ce dont nous avons besoin. Et ce qui est inadmissible, camarades, c'est que ces mesures sont prises pour 2 mois. Les travailleurs, l'ensemble des travailleurs, l'ensemble des citoyens de ce pays ont le droit de savoir comment ils vont passer l'hiver. Nous ne pouvons pas accepter des mesures qu'on nous donne de 2 mois en 2 mois. Ça ne va pas. Nous méritons beaucoup plus de respect et pas simplement de l'aumône comme ce qu'on est en train de nous faire tous les 2 mois. Mais fondamentalement, camarades, fondamentalement, on continuera encore à avoir des mesures insuffisantes, des demi-mesures, des mesurettes, parce qu'on travaille à l'envers. Pourquoi est-ce qu'on travaille à l'envers? Parce que ce que le gouvernement doit faire, c'est d'abord et avant tout prendre des mesures pour augmenter les recettes, augmenter les rentrées, augmenter les moyens de l'État. Et on fait toujours ça, en principe, dans des périodes de crise comme celle qu'on connaît aujourd'hui. Il faut avoir le courage de dire aux gens, oui, on est dans une situation où il faudra augmenter les moyens de l'État pour pouvoir s'en sortir. Et les moyens existent, camarades. Hier, je disais encore, les bénéfices de toute une série d'entreprises dans le secteur de l'énergie. Tenez-vous bien, Shell, 18 milliards de dollars en un trimestre. Eni, en Italie, 4 milliards de dollars en un trimestre. Total Energy en France, 6 milliards de dollars en un trimestre. Et en Belgique, Engie et l'ensemble du monde bancaire, pareil. Chers camarades, il y a des endroits où l'argent coule à flot et c'est là qu'il faut aller chercher l'argent. Et en effet, Marc l'a déjà rappelé, nous avons, au niveau du Front commun syndical, des priorités, des exigences très claires. Il faut, en effet, rapidement, et la mesure peut être prise au niveau belge, taxer les surprofits dont on parle pour le moment. Et quand on parle de surprofits, ça veut dire que ce sont des profits illégitimes qui doivent être taxés à 50% au minimum. On doit et on peut le faire au niveau de la Belgique. Ça a assez traîné, la décision peut être prise rapidement, comme on l'a fait dans d'autres pays qui nous entourent. Le gouvernement doit prendre une bonne fois pour toutes ses responsabilités en la matière. Et désolé pour l'aile libérale du gouvernement, mais pour le moment, s'il est impossible de prendre des mesures comme celle-là, c'est parce qu'il y a une famille libérale au gouvernement qui bloque l'ensemble de ces mesures. Ces gens-là, camarades, contrairement à ce qu'ils annoncent, ils ne défendent pas la classe moyenne. Ils défendent les super riches, les super profits et les super jets privés, comme Georges-Louis Boucher l'a encore fait récemment. Et tant qu'il n'y aura pas de réforme fiscale digne de ce nom, eh bien c'est simple, c'est avec l'argent public qu'on va continuer à engraisser Engie et les autres. Le courage politique, c'est donc d'avoir une réforme fiscale rapidement qui met à contribution enfin le capital et les grosses fortunes. 2 minuten van politiek moet voor een echt belastinghervorming. Et en effet, l'élargissement du tarif social, on n'a pas vu venir ce week-end-ci, et c'est dommage, parce que l'élargissement du tarif social, c'est une mesure dont aujourd'hui encore, beaucoup de travailleurs auraient bien besoin pour pouvoir faire face au prix de l'énergie. Et au niveau européen, qu'on bloque enfin les prix. Vous savez, camarades, quand il y a eu la crise bancaire, on a pris des mesures à un niveau international en 48 heures. À croire qu'aujourd'hui, on considère que les banques sont plus importantes que les travailleurs et les gens. Ça, c'est un message que nous ne pourrons jamais accepter. Comme l'a dit Marc, ce sont les gens, ce sont les travailleurs qui font tourner ce pays et ils méritent qu'on s'occupe d'eux une bonne fois pour toutes. L'État doit reprendre la main sur ce secteur de l'énergie, un secteur stratégique qui ne peut pas être laissé au privé un secteur qui mérite d'être géré enfin par l'État et pas par le secteur privé. Deux mots, camarades, deux mots par rapport à la protection des allocataires sociaux, des pensionnés. Si nous avions décidé au départ de faire la concentration ici et aujourd'hui, c'est bien pour marquer le coup par rapport au 15 septembre, à savoir que l'AFEB et l'ensemble du pan patronal a de nouveau refusé de négocier avec nous pour améliorer les pensions et les allocations sociales. C'est inadmissible, d'autant plus que dans notre dos, ce qu'ils ont fait, c'est d'essayer d'obtenir une diminution de cette enveloppe qui permet d'améliorer les allocations sociales et les pensions. Pour nous, il n'est pas question de toucher à cette enveloppe. Ce ne sont pas les pensionnés, les malades, les invalides qui doivent payer la crise que nous connaissons, camarades. C'est tout simplement immoral. Et le gouvernement, il a une tâche à jouer dans ce cadre-là. Une tâche très simple. Aujourd'hui, il doit décider très rapidement de la ventilation de cette enveloppe et on passe à autre chose et on passe à une autre séquence. Et enfin, camarades, en effet, et les témoins ici l'ont dit, stop au blocage des salaires, parce que nous sommes dans une société où en fait on bloque rien sauf les salaires. Les prix augmentent, les dividendes augmentent, les bénéfices augmentent, mais les salaires y stagnent. Il n'est pas question qu'on puisse continuer en effet à accepter cette situation. L'indexation automatique des salaires, on ne peut pas y toucher et nous sommes 10 000 aujourd'hui encore à le rappeler. And enough van de automatische indexering. Le message doit être clair. Ce qu'il faut, c'est diminuer les prix. Ça diminuera l'inflation. We moeten de prijzen vast zetten en de inflatie zal dalen. Camarades, en conclusion, nous devons maintenir la pression. Nous devons renforcer notre plan d'action. Et il n'y a pas d'autre choix, que ce soit clair. Il n'y aura pas d'amélioration d'ici là. Nous devons faire du 9 novembre une grève générale réussie à travers tout le pays. C'est la seule façon d'inverser le rapport capital-travail. C'est de réussir une grève, une bonne fois pour toutes, le 9 novembre et tous ensemble. Et je sais que le 9 novembre, c'est loin. Et je sais que le 9 novembre, c'est loin. Et c'est pour ça qu'il faudra qu'on discute tous ensemble pour organiser des étapes intermédiaires entre le 21 septembre et le 9 novembre. On doit absolument faire comprendre que ce sont nous, les organisations syndicales, qui devons défendre les travailleurs et l'ensemble des citoyens de ce pays. Et le plan d'action sera renforcé de cette façon-là. Un dernier mot, chers camarades, avant de céder la parole volontiers à Mario Coppens. On va manifester, on va partir en manifestation là derrière vous, et la manifestation va passer devant la FEB, et les prises de parole finales se feront quelques centaines de mètres plus loin. Chers camarades, notre colère est légitime, très légitime. On doit le faire savoir et on le fait savoir aujourd'hui de façon forte. On va le faire en réussissant non seulement la concentration aujourd'hui, mais en réussissant aussi la manifestation que nous allons organiser. Mais que ce soit clair, camarades, il faut qu'on continue à avoir l'opinion publique avec nous. Nous avons l'opinion publique, nous. Les patrons, l'AFEB principalement, ils sont dans les cordes. Ils savent que c'est nous qui avons l'opinion publique. Alors, on passe devant l'AFEB, on fait savoir qu'on est en colère, mais on ne lance rien, on ne casse pas. Il ne faut pas que le crédit que nous avons soit perdu dans les minutes qui viennent. On va faire du bruit, on va passer devant chez eux, on va leur montrer qu'on est 10 000, mais ne perdons pas le crédit qui est le nôtre aujourd'hui. Notre combat est juste. Ne le gâchons pas et on va leur dire qu'on sait avoir raison de cette façon-là. Tous ensemble, camarades, on va gagner le combat. Merci à vous. Exact drie maanden geleden maakten we de regering en het parlement duidelijk dat onze lonen vrijer mogen, dat onze lonen hoger mogen. Beste afgevaren, Ik moet er jullie zeker niet op wijzen dat de voorbije maanden serieuze gaten geboord heeft in de portefeuilles. De situatie is inderdaad meer dan ernstig. Een record aantal gezinnen en families leven in armoede. Meer en meer gezinnen bevinden zich in de miserie. De knipperlichten staan niet op oranje, staan niet op rood, maar staan op donkerrood. Dat is duidelijk. Een globale verarming en een globale verschaling van de middenklasse en een verdere verdieping van de armoede zijn vandaag bittere realiteit. En vandaag de dag zijn er werknemers die een bijkomende job moeten nemen om hun facturen te kunnen betalen, om hun rekening te kunnen betalen. Dat is onaanvaardbaar. De energieprijzen breken alle records. En de regeringen, de federale en de regionale regeringen, houden overlegcomité's en ze doen niets. Ze doen niets, maar het is duidelijk dat het onvoldoende voor heel wat gezinnen om het hoofd boven water te halen. En de verlenging en de uitbreiding van een sociaal tarief is op zich een goede zaak, maar moet een vaste, blijvende waarde worden. Het is ook de taak van onze overheden om ervoor te zorgen dat diegenen die recht hebben op het sociaal tarief daarvan ook effectief gebruik kunnen maken. Het is alleszins een goede zaak dat men op deze regering een maatregel heeft genomen in kader van het basispakket van de energie, zodat diegenen die juist buiten het sociaal tarief vallen, en dat zijn er heel wat werknemers, dat die inderdaad ook een tegemoetkoming kunnen krijgen in hun factuur. Want ook de werkende mens moet ondersteund worden. Ik zou zeggen, nu reeds aan de regering, die maatregelen lopen voor november en december, begin al maar om die te verlengen tot januari, februari, maart, want het zal nodig zijn. Maar beste vrienden, wij zijn ook trotse mensen. Wij vinden niet dat wij afhankelijk moeten zijn van een regering, van een overheid, om onze facturen te betalen. Wij werken daar immers voor. Wat wij verwachten is dat onze lonen voor onze dagen, harde dagen werk, dat die voldoende hoog zijn. Voldoende hoog zijn om comfortabel te leven. Niet om te overleven, maar om te leven. Vandaar ook dat het duidelijk is dat die lonen, de gestegen energieprijzen en de stijgende prijzen die nog komen, moeten die automatisch volgen. Ik ga het dan ook nog een keer klaar en duidelijk zeggen. Ja. Handen af van de index. Ne touchez pas l'index. Mes chers délégués, évidemment, le pouvoir d'achat, c'est beaucoup plus que l'index. Et en juin dernier, nous étions aussi avec près de 80 000 militants dans les rues de Bruxelles. Nous avons fait part de nos préoccupations dans la commission sociale du Parlement fédéral. Et le problème du pouvoir d'achat ne peut être abordé de manière définitive que si la loi de 96 sur la norme salariale soit modifiée. Il est absolument nécessaire de réformer en profondeur cette loi-ci avec une priorité pour le rétablissement du caractère indicatif de la norme salariale et aussi un calcul juste et un calcul correct du prétendu handicap salarial. Nous voulons donc que l'accent ne sera pas seulement mis sur le salaire en soi, mais sur la compétitivité en sens. Et c'est l'une des raisons pour laquelle les négociations salariales doivent rester libres. Dans de nombreuses entreprises, il est tout à fait parfaitement possible d'augmenter davantage les salaires. Certaines d'entre eux ont eu des marges bénéficiaires historiques, même en comparaison avec nos pays voisins. Tot slot, beste afgevaardigden, wil ik ook nog even verwijzen naar diegenen die momenteel niet aan het werk zijn. In deze moeilijke periode, deze crisis, moeten doorkomen met sociale uitkeringen. Wat betreft de verdeling van de welvaartsenveloppen, zijn we door de halsstarre houding van de werkgevers niet in geslaagd om tot een akkoord te komen tegen 15 september. De voorbije maanden, de voorbije weken, hebben de werkgevers geweigerd om die onderhandelingen aan te knopen. En ze koppelden er allerhande discussies aan, zoals de blokkering of een beperking van de index, zoals een beperking van de loonsverhogingen in de toekomst, een arbeidsmarkthervorming. Wij geven niet toe aan dergelijke chantage, maar we roepen ook nu reeds op de regering van zorg ervoor dat die enveloppe zo rap mogelijk verdeeld is, zodanig dat die uitkeringen kunnen verhoogd worden met ingang van 1 januari 2023, zodanig dat die categorie die moeilijke wintermaanden kan doorkomen. En we hebben het werk van de regering al een stuk eenvoudiger, want we hebben zelf als vakbonden in gezamenlijk overleg hebben we een aantal voorstellen gedaan. zoals verhoogd dus inderdaad de minima. Met een bijzondere aandacht voor die minima die het verst beneden de Europese armoedegrens liggen, zelfs beneden het leefloon. Trek de berekeningsbasis voor de pensioenen op, zodanig met 4% de voorbije 2 maanden. We hebben deze morgen nog gehoord in het nieuws dat inderdaad de pensioenen onvoldoende zijn om rustorden en dergelijke te betalen. Ten slotte, verhoog ook de lopende uitkeringen, de oudste pensioenen. Geef een vakantiegeld, vertrek het vakantiegeld op voor de gepensioneerden en de inhaalpromo voor de langdurig zieken. Cher militant, quelle suite à cette mobilisation? Malheureusement, si l'Europe et notre gouvernement ne prennent pas des mesures suffisamment, eh bien, les actions syndicales ne sont pas à exclure. En tant que syndicat, nous savons très bien ce que nous faisons. Nous aussi, nous voulons que l'emploi et les entreprises restent ici en Belgique. Mais on ne doit pas avoir étudié à Harvard pour savoir que sans le pouvoir d'achat des familles, sans le pouvoir d'achat des citoyens, les entreprises ne survivent pas non plus en Belgique. Que le gouvernement n'abandonne pas les travailleurs et les allocataires sociaux. Que les employeurs prennent leurs responsabilités. Merci pour cette mobilisation. Dank u wel voor deze mobilisatie. Goedemiddag Brussel. Fijn dat jullie hier allemaal zijn om het signaal te laten horen dat dit niet verder kan. We gaan het signaal nog wat langer laten horen en we doen een manifestatie, een korte manifestatie, die aan de andere kant van het Muntplein start, dus aan de overkant, de Schildknaapstraat. Wij doen een parcours zoals Thierry daar straks heeft uitgelegd. Wij vragen jullie om de manifestatie te volgen en binnen het parcours te lopen. We komen voorbij het VBO, roepen luid, maken veel lawaai, maar wandelen verder en stoppen aan het Albertinaplein. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être venus nombreux. Donc comme ma collègue m'a dit, maintenant on part à la manifester. Donc le parcours, on se retourne, vous retournez, on prend la rue de l'Écuyer, on monte tout droit jusqu'à rue Ravenstein, on passe devant la FUB et comme Thierry l'a bien indiqué, on passe devant la FUB, on fait plein de bruit, tout ce qu'on veut, mais on ne s'arrête pas devant la FUB et puis alors on continuera le parcours jusqu'à la place de l'Albertine avec des podiums et des discours à la fin. Merci à toutes et à tous.